J'ai connu des tempêtes immenses qui m'ont laissé à moitié mort. Des femmes qui m'ont tué l'existence. De faux regrets en vrais remords. J'ai eu des incendies terribles qui ont dévoré mes passions. De tragédies en cris stupides, chaque fois j'en ai fait des chansons. Je suis l'homme d'un seul amour, mais je ne sais pas de quel amour. J'ai eu des naufrages faciles de filles en cœur. Quand je croyais trouver des îles, c'était des prisons, j'avais tort. J'ai eu des filles au sein de pierre, au ventre de chair et de feu. Elles s'en sont allées en lumière. Lorsque j'y pense, je me sens mieux. Oh, oh, oh, je suis l'homme d'un seul amour, mais je ne sais pas de quel amour. Celui qu'on enterre avec soi n'est quel amour ça.